Averroès et l'averroïsme. Son admiration fanatique pour Aristote. L'admiration superstitieuse d'Averroès pour Aristote a été souvent remarquée. Pétrarque s'en est égayé, Gassendi l'a rapproché du culte de Lucrèce pour Épicure. Malebranche s'en est fait une arme dans sa lutte contre l'aristotélisme. L'auteur de ce livre, Digne Roche, dans la préface de la physique, est Aristote, fils de Nicomaque, le plus sage des Grecs, qui a fondé et achevé la logique, la physique et la métaphysique. Je dis qu'il les a fondés, parce que tous les ouvrages qui ont été écrits avant lui sur ces sciences ne valent pas la peine qu'on en parle, et ont été éclipsés par ses propres écrits. Je dis qu'il les a achevés, parce qu'aucun de ceux qui l'ont suivi jusqu'à notre temps, c'est-à-dire pendant près de 1500 ans, n'a pu rien ajouter à ses écrits, ni y trouver une erreur de quelque importance. Or, que tout cela se trouve réuni dans un seul homme, c'est chose étrange et miraculeuse. L'être ainsi privilégié mérite d'être appelé divin plutôt qu'humain, et voilà pourquoi les anciens l'appelaient divin. Nous adressons des louanges sans fin, dit-il ailleurs, à celui qui a prédestiné cet homme, Aristote, à la perfection, et qui l'a placé au plus haut degré de l'excellence humaine où aucun homme dans aucun siècle ait pu parvenir. C'est à lui que Dieu a fait allusion, en disant, dans le Coran, cette supériorité, Dieu l'accorde à qui il veut. La doctrine d'Aristote, dit-il encore, est la souveraine vérité, car son intelligence a été la limite de l'intelligence humaine, de sorte qu'on peut dire de lui à bon droit qu'il nous a été donné par la Providence pour nous apprendre ce qu'il est possible de savoir. Aristote est le principe de toute philosophie, on ne peut différer que dans l'interprétation de ses paroles et dans les conséquences à en tirer. Cet homme a été la règle de la nature et comme un modèle où elle a cherché à exprimer le type de la dernière perfection. Tout cela équivaut à peu près aux paroles que lui prête Balzac, qu'avant qu'Aristote fût né, la nature n'était pas entièrement achevée, qu'elle a reçu en lui son dernier accomplissement et la perfection de son être, qu'elle ne saurait plus passer outre, que c'est l'extrémité de ses forces et la borne de l'intelligence humaine. Confère Socrate chrétien. Au fond, ces expressions n'ont rien de plus fort que celles que l'on trouve à chaque page dans les auteurs chrétiens, depuis le grand avènement d'Aristote, au XIIe siècle. Une opinion très répandue attribuait à sa philosophie une source surnaturelle, un démon, bon, mauvais, la lui avait révélé, l'antéchrist seul en aura le secret. Confère Belle. Article Aristote. Peut-être même ces éloges exagérés ne doivent-ils pas être pris trop au sérieux. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Ibn Roche distingue parfois entre son opinion et celle du texte qu'il commente. Jamais, sans doute, il ne se permet d'exprimer dans son commentaire une pensée différente de celle de son maître, mais, d'un autre côté, il prend soin de nous avertir qu'il n'accepte pas la responsabilité des doctrines qu'il expose. À la fin de son commentaire moyen sur la physique, il déclare qu'il n'a eu d'autre intention que d'énoncer le sentiment des péripatéticiens, sans dire sa propre opinion, et que, comme Ghazali, il a voulu seulement faire connaître les systèmes des philosophes, pour qu'on puisse les juger en toute connaissance de cause et les réfuter s'il y a lieu. À la fin de sa lettre sur l'union de l'intellect séparé avec l'homme, il décline également la responsabilité des doctrines qui y sont contenues. Peut-être n'était-ce là qu'une précaution pour philosopher plus librement à l'ombre d'autrui. Il faut convenir au moins que ce tour est très fréquent chez les Arabes. Ibn Tofaïl fait remarquer qu'Ibn Sina renvoie sans cesse ceux qui veulent connaître sa véritable pensée à sa philosophie orientale, et qu'il dit souvent dans ses commentaires des choses qu'il ne croit pas. Ghazali, dans le Maqarid al-Falasifa, expose les systèmes des philosophes avec une assurance qui pourrait faire supposer qu'il énonce sa propre opinion, et pourtant il n'a d'autre but que de préparer la réfutation qu'il veut faire de ces systèmes. Peut-être bien des contradictions de la philosophie antique s'expliquent-elles ainsi par la facilité avec laquelle on consentait à emprunter pour un moment le langage et les allures d'une école, sans s'y engager d'une manière absolue. Des commentaires d'Ibn Rushd. Averroès est arrivé à la célébrité chez les latins à un double titre, comme médecin et comme commentateur d'Aristote, mais la gloire du commentateur a de beaucoup surpassé celle du médecin. De quelque réputation qu'ait joui le colligeat, il n'a jamais atteint l'autorité magistrale du canon d'Avicenne. Des nombreux commentaires d'Ibn Rushd sur Galien, aucun n'a été traduit ni en hébreu ni en latin. En médecine du reste, comme en philosophie, Ibn Rushd est disciple d'Aristote. Il a écrit un ouvrage ex professo pour le concilier avec Galien. Quand l'accord est impossible, Galien est toujours sacrifié. C'est d'après la doctrine du philosophe qu'il envisage le cœur comme l'organe principal et la source de toutes les fonctions de la vie animale. Son système médical n'a du reste aucune originalité. Comme astronome et comme jurisconsulte, Ibn Rushd ne présente non plus aucune physionomie bien caractérisée. C'est par son grand commentaire qu'il est arrivé à constituer un des pôles de l'autorité philosophique, la nature interprétée par Aristote, Aristote interprété par Averroès. Ibn Rushd a composé sur Aristote trois sortes de commentaires, le grand commentaire, le commentaire moyen, les analyses ou paraphases. La forme du grand commentaire appartient en propre à Ibn Rushd. Les philosophes qui l'avaient précédé, Avicenne et Al-Farabi, n'avaient employé d'autres commentaires que la paraphrase, dans le genre de celle d'Albert le Grand. On fondait le texte aristotélique dans une exposition suivie, où le texte et la glose restaient indistinctes. La méthode d'Ibn Rushd dans le grand commentaire est toute différente. Il prend l'un après l'autre chaque paragraphe du philosophe qu'il cite in extenso, et l'explique membre par membre, en distinguant le texte par le mot qu'elle a, il dit, équivalent aux guillemets. Les discussions théoriques sont introduites sous forme de digressions, chaque livre est divisé en sommes, subdivisées elles-mêmes en chapitres et en textes. Ibn Rushd a évidemment emprunté aux commentateurs du Coran ce système d'exposition littérale, où ce qui appartient à l'auteur est soigneusement distingué de ce qui appartient au glossateur. Dans le commentaire moyen, le texte de chaque paragraphe est cité seulement par ses premiers mots, puis le reste est expliqué, sans distinction de ce qui est d'Ibn Rushd ou de ce qui est d'Aristote. Dans la paraphrase ou analyse, Ibn Rushd parle toujours en son propre nom. Il expose la doctrine du philosophe, ajoutant, retranchant, allant chercher dans les autres traités ce qui complète la pensée, introduisant un ordre et une méthode de son choix. Les paraphrases sont ainsi de véritables traités sous le même titre que ceux d'Aristote. C'est surtout par les titres qu'Aristote a régné sur l'esprit humain. Les étiquettes de ses livres sont restées, pendant près de 2000 ans, les divisions de la science elle-même. Il est certain qu'Ibn Rushd ne composa ses grands commentaires qu'après les autres. À la fin de son grand commentaire sur la physique, achevé en 1186, on lit dans les traductions hébraïques « J'en ai fait un autre plus court dans ma jeunesse. » Confer, Pasini. Souvent dans ses commentaires moyens, il promet d'en écrire de plus développés. Enfin, plusieurs des ouvrages d'Ibn Rushd ont des souscriptions que les traducteurs hébreux ont conservées, et qui offrent le moyen de déterminer jusqu'à un certain point la série de ses travaux. Avant 1162, le Colliget. 1469, paraphrase sur les livres des parties et de la génération, les animaux, Séville. 1170, commentaire moyen sur la physique et sur les analytiques postérieures, Séville. 1174, commentaire sur le ciel et la terre, Séville. 1174, paraphrase sur la rhétorique et la poétique, commentaire moyen sur la métaphysique, Cordoue. 1176, commentaire moyen sur l'éthique à Nicomaque. 1178, quelques-unes des parties du De Substantia Orbis, Maroc. 1179, voie pour la démonstration des dogmes religieux, Séville. 1186, grand commentaire sur la physique. 1193, commentaire sur le De Febribus de Galien. 1195, question sur la logique, écrite pendant sa disgrâce. Nous possédons les trois espèces de commentaires, soit en arabe, soit en hébreu, soit en latin, sur les seconds analytiques, la physique, les traités du ciel, de l'âme, et la métaphysique. Sur les autres livres d'Aristote, nous n'avons que les commentaires moyens ou les paraphrases, ou les deux à la fois. Les seuls ouvrages d'Aristote sur lesquels il ne reste aucun commentaire d'Ibn Rushd sont les 10 livres de l'histoire des animaux et la politique. Le commentaire sur l'histoire des animaux a certainement existé. Ibn Abi Osebia, ABD Eloi et la liste arabe des ouvrages d'Ibn Rushd qui se trouve dans le manuscrit 879 de l'Escurial, le mentionne expressément. Quant à la politique, Ibn Rushd nous apprend lui-même dans l'épilogue de son commentaire moyen sur l'éthique, que la traduction arabe de cet ouvrage d'Aristote n'était pas encore connue en Espagne. Au commencement de son commentaire sur la République de Platon, il dit expressément qu'il n'a entrepris l'explication de cet ouvrage que parce que les livres d'Aristote sur le même sujet n'étaient pas parvenus jusqu'à lui. On a pu croire, à l'inspection des éditions latines d'Averroès, qu'il ne connaissait pas les livres 11, 13 et 14 de la métaphysique. On ne trouve en effet dans ces éditions aucun commentaire sur les trois livres précités. Mais M. Minka fait observer qu'il existe en hébreu un commentaire moyen sur ces trois livres. M. Steinschneider a découvert de nouvelles traces des études d'Averroès sur le texte entier de la métaphysique, dont certaines parties avaient été jusqu'à lui fort négligées. Quelques autres commentaires ne nous sont connus que par des indications vagues ou inexactes. L'Ab, Wolf. De Rossi parle d'un commentaire sur le De Musica, mais il est évident qu'ils ont été trompés par l'équivoque du mot qui, en hébreu, désigne la poétique, et que le livre qu'ils ont en vue est la paraphrase de cet ouvrage, traduite par Tedros Todrosi. Bernard Navajro, dans une lettre écrite au Junte, assure avoir vu à Constantinople le grand commentaire sur les deux livres des plantes. Ibn Rushd n'ayant fait de grands commentaires que sur les livres qu'il avait déjà paraphrasés et exposés auparavant, il est difficile de croire qu'il eût donné tant de soins à ce livre sans qu'il en fût rien venu jusqu'à nous. C'est aussi par erreur que Fabricius attribua à Averroès des écrits sur les physiognomiques. En général, le commentateur a distingué les livres authentiques et les livres apocryphes du philosophe avec beaucoup de sûreté. Markendanarchive.org 2021, d'après Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.